anchor on Stato. You as a one to draw me, you got to. Bonsoir, à bientôt. Move to Memphis, that's why I do. Gonna move to Memphis and follow you. Au revoir. J'avais dit Richard, au revoir. C'est bien des fois de faire un peu de musique, arrêter de faire de la merde, là c'est pas mal. Au revoir. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.